Hier, après avoir accueilli le porte-parole du NPA au cri de « Unité, unité », les militants de l'aile gauche du PS ont applaudi la position sans concession d'Olivier Besancenot en matière de retraite.